Comment prendre le produit? Nous avons déjà dit qu'il n'y a pas d'accord quant à la quantité exacte de chaque ingrédient, contribuant à la préparation du produit. Et, si vous y avez prêté attention, il y a des différences essentielles entre une variante et l'autre. Juste pour vous le rappeler, il suffit de penser qu'on va d'un minimum de 2 feuilles d'aloès dans 1 kg de miel au maximum de 3 feuilles d'aloès dans 1 demi-kilo de miel. Ce n'est pas un petit peu. Nous trouvons des différences analogues, même lorsque les auteurs nous expliquent comment prendre le produit, c'est-à-dire en quelle quantité, aussi bien pour la guérison du cancer, que pour la prévention de cette maladie. Alors suivez-moi avec patience, Sœur Maria Zatta, dans son livre Armaciada Naturosa, dit textuellement à ce propos, prendre 2 cuillerées de ce mélange 2 fois par jour pour une durée de 10 jours. C'est là, la prescription pour les malades de cancer. Dans un autre alinéa, elle décrit ainsi la façon d'éviter la maladie. Pour éviter le cancer, la recette est la même, mais il faut en prendre seulement 2 cuillerées par jour pour une durée de 10 jours. Continuez ainsi une fois par an. Paulo César d'Andrade dos Santos, à son tour, dans son livre Sada Travedas Planta, à la page 38, sous le titre « Comment prendre le produit », affirme, pour prévenir le cancer, chacun devrait prendre, au moins une fois par an, une cuillerée de ce produit 3 fois par jour, pendant 10 jours. Par contre, pour guérir du cancer, en prendre 3 fois par jour pendant 10 jours, faire une pause de 10 jours, répéter enfin la cure pour 10 jours encore, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la guérison complète. Ainsi qu'on peut le remarquer, la formule écrite de la recette présente des variantes notables. Figurez-vous combien de changements peuvent intervenir, quand la recette est transmise oralement, de génération en génération. Quant à moi, je me suis toujours bien informé des variantes directement d'après des patients, par téléphone. Sœur Archangela, de Rome, frappée par un cancer, déjà en métastase, a pris notre produit pendant 75 jours, sans interruption, même si on lui avait expliqué l'importance de la pause d'une semaine, en tant que le moindre temps, après avoir terminé le premier pot. Elle a dit avoir agi en proie au plus noir désespoir, à la recherche spasmodique d'un moyen pour guérir. C'est alors qu'elle a appris que le produit avec l'aloès, pouvait être son unique voie d'issue. Résultat, parfaite guérison du cancer. Aujourd'hui cette sœur fait un service volontaire dans un hôpital de Trastevere, dans la ville éternelle. Sœur Hélène, libanaise, carmélite dans la vie active, habitant et travaillant dans la ville portuaire de Haïfa, Israël, a modifié la recette, en mettant 750 g de mélange d'aloès et d'eau de vie, arak, avec 500 g de miel. Une véritable exagération qui m'a épouvanté. À la fin, toutefois, je me suis tranquillisé, ayant su que le patient, qui avait pris ces doses gigantesques, était guéri du cancer. Girolamo Giacomo, Montréal, Palermo, Italia, frappé par un cancer au foie, ayant encore peu de jours à vivre, prend une cuillerée abondante de cette potion, tous les jours, depuis 2 ans. C'est sa voie d'issue pour contrôler le mal, qu'il ne parvient pas à vaincre, même s'il a doublé la dose. Si les auteurs ne sont pas d'accord en ce qui concerne les quantités, dans la composition du produit, ainsi que dans la prescription du dosage à prendre, tout le monde s'accorde, toutefois, sur les 3 ingrédients de la recette, ceux-ci ne doivent pas manquer. Chemin faisant, nous vous fournirons d'autres éclaircissements, dans le but de donner une explication scientifique de la formule déjà citée. La pratique populaire, avec toutes ses variantes, pourrait-elle trouver, peut-être, un appui scientifique? Ou encore, la science peut aider à rendre la formule digne de foi, ou bien n'est-elle qu'une croyance populaire? Quels seraient les résultats si ces ingrédients étaient l'objet de thèses de laboratoire? Si la science pouvait se porter garante du fait que l'emploi de ces ingrédients peut apporter la guérison du cancer ou le prévenir, peut-être pourrions-nous arriver à un avis unanime en ce qui concerne les quantités des 3 éléments nécessaires à la préparation du mélange. Ainsi, toutes les discussions finiraient-elles. Attention, une fois le mélange préparé, il est normal que, en phase de repos, le miel, l'ingrédient le plus lourd, se dépose sur le fond du pot, la partie mousseuse tendra naturellement à monter. Par conséquent, avant de prendre la potion, il faut bien agiter le pot, et dûment mélanger les ingrédients. Si tu es atteint d'une tumeur, pendant le traitement avec l'aloès, collabore dans la bataille qui essaie de vaincre le mal, pour t'emmener à la guérison, arrête de manger de la viande et d'autres dérivés animaux, substitue ces aliments avec des fruits, des légumes, des céréales. Si quelqu'un est atteint d'une maladie dégénérative, la maladie de Parkinson, d'Alzheimer ou d'autres maladies, même si l'aloès ne nous garantit pas la guérison totale, invite le malade à essayer ce produit. Comme il fortifie le système d'immunité, il lui apportera un peu de soulagement et des bienfaits, en améliorant la qualité de sa vie. Cela peut valoir la peine d'entreprendre cette initiative, avec l'avantage qu'elle ne présente aucun risque d'effets collatéraux, et elle est trouvable à un coût très bas.